L'Esprit de Dieu saisit Balaam, les yeux ouverts, le cœur surpris. Il voit bien plus qu'un peuple au loin, il voit un avenir s'écrire ici. Un roi se lèvera de Jacob, un sceptre brisera les oppressions. Au milieu des tentes d'Israël s'esquisse une rédemption. Même par des bouches inattendues, tu annonces l'histoire éternelle. Une étoile se lève dans la nuit, un roi s'avance sans armure. Ta lumière traverse les siècles et brûle nos obscurités les plus dures. Une étoile se lève dans la nuit et rien ne peut l'éteindre ici, car même nos prophéties imparfaites portent l'éclat du Messie. Au-delà d'Amalek et d'Édom, au-delà des royaumes dressés, tu décides un règne plus vaste que les frontières de la terre tracées. Et nous recevons ces paroles comme une semence dans nos bras.